t'as la couleur qu'il te fallait, le brin de peau ensoleillé. Les gens tremblent, t'as les cheveux noirs tout bouclés, de jolies formes qui font rêver. Il me semble que tu es noir de peau, t'as le sang du Congo, la folie dans tes mots, dans tes bras il fait chaud. Tu sais ce qu'il me faut, tu guéris tous mes maux, loterie de femme afro, j'ai le bon numéro. T'as le regard illuminé, les étoiles qui font briller, les yeux tendres, t'as de jolies lèvres dessinées par tes paroles et mes baisers. À tout prendre, toi, tu es noir de peau, t'as le sang du Congo, la folie dans tes mots, dans tes bras il fait chaud. Tu sais ce qu'il me faut, tu guéris tous mes maux, loterie de femme afro, j'ai le bon numéro. T'as la peau douce et parfumée, une sucrerie qu'on veut manger. Sans attendre, t'as devant moi ton corps dénudé, tes belles paroles je laisse tomber. Pour te prendre, car tu es noir de peau, t'as le sang du Congo, la folie dans tes mots, dans tes bras il fait chaud. Tu sais ce qu'il me faut, tu guéris tous mes maux, loterie de femme afro, j'ai le bon numéro. T'as la couleur qu'il te fallait, le grain de peau ensoleillé. T'as les cheveux noirs tout bouclés, de jolies formes qui font rêver. Car tu es noir de peau, t'as le sang du Congo, la folie dans tes mots, dans tes bras il fait chaud. Tu sais ce qu'il me faut, tu guéris tous mes maux, loterie de femme afro, j'ai le bon numéro.